tropique. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, réalisation Clotilde Pivin. Bonjour. En 1967, comme chaque année sans doute, on s'intéresse à sa propre vie, à sa famille, à son travail, à sa ville, à son département, bref, à la France. Mais fi d'un nombrilisme critiquable, on ne manque pas pour autant de suivre l'actualité internationale. Et en 1967, le monde ne se limite pas à l'Hexagone. Il y a la guerre des Six Jours, il y a le coup d'État des colonels en Grèce, et puis les gardes rouges en Chine, qui ne badinent pas avec l'idée de révolution. Et encore la Bolivie, où meurt, et d'une certaine manière renaît, le Che. Sans compter l'expérience cubaine. France Culture rendant compte de l'actualité internationale comme du reste, voici quelques échos de cette année 1967, hors de nos frontières. Magazine diplomatique, problèmes internationaux, la Grande-Bretagne et le marché commun. Magazine diplomatique, la guerre israélo-arabe. André Malraux parlant de Mao Tse-tung, puis, d'un jour à l'autre, Che Guevara, mort ou vivant, et enfin, avant le premier congrès des écrivains de Cuba, entretien avec Lisandro Otero. Tout de suite, un extrait du magazine diplomatique « Problèmes internationaux » du 28 avril 1967. Les empires coloniaux font partie du passé, l'avenir de la Grande-Bretagne, c'est l'Europe, mais oui. Problèmes internationaux. Un magazine de l'actualité radiophonique dirigé par André Blanc. Avant de consacrer l'essentiel de ce magazine à la situation en Grèce et à la prochaine démarche de la Grande-Bretagne pour entrer dans le marché commun, commençons par un bref survol de l'actualité internationale. À Bonn et à Cologne, les obsèques grandioses et émouvantes de Konrad Adenauer ont fourni l'occasion d'un certain nombre d'entretiens politiques. Le plus remarqué, qui était aussi le plus attendu, a été l'aparté de 10 minutes entre le général de Gaulle et le président Johnson. Tous deux ont exprimé le désir de se revoir, mais les choses ne sont guère allées plus loin, c'est par la voie diplomatique que seront fixées les modalités d'une rencontre, si elle doit avoir lieu. Le président des États-Unis a conféré d'autre part, mais cette fois-ci de façon très approfondie, avec le chancelier Kissinger. Il s'agissait avant tout de surmonter la résistance des Allemands à la conclusion d'un traité de non-dissémination des armes nucléaires. Le chancelier fédéral, nous dit-on, est demeuré très ferme. De nouvelles consultations seront nécessaires. On peut en conclure que le 9 mai à Genève, pour la reprise de la conférence des 17, les Américains et les Soviétiques ne seront pas encore en mesure de déposer le projet commun que l'on annonce depuis déjà quelque temps. Quant à M. Harold Wilson, il a vu non seulement le général de Gaulle et le président Johnson, mais aussi ses collègues allemands, italiens, belges et suédois. Et c'est de toute évidence du marché commun et de la Grande-Bretagne qu'il a été question. Tout indique en effet que l'on est à la veille de la grande décision et que les Britanniques présenteront, peut-être dès la semaine prochaine, une demande d'adhésion en forme pour entrer dans le marché commun. Les réunions ministérielles vont se succéder à Londres durant le week-end. M. Harold Wilson s'apprête à livrer le combat le plus important de sa carrière politique. Écoutons à ce sujet notre correspondante Bernadette Marshall. Avant de franchir le point de non-retour, M. Wilson multiplie réunions et entretiens. Sa décision est imminente, mais elle n'est pas encore arrêtée. Tout se passe comme si on installait les décors d'un spectacle avant d'en écrire les dialogues. Le décor mis en place, chacun est libre de l'interpréter à sa façon, et pourtant c'est d'une même voix, ou presque, que les milieux politiques et la presse annoncent « Monsieur Wilson posera la candidature de la Grande-Bretagne avant la Pentecôte ». Peut-être mardi ou jeudi prochain, peut-être encore le 9 mai, pas plus tard sans doute. Monsieur Wilson a promis que l'annonce de la décision gouvernementale serait suivie d'un grand débat à la Chambre des communes, un débat sanctionné par un vote. Le Premier ministre mandaté pourrait alors déposer officiellement la candidature de l'Angleterre auprès du président du Conseil des ministres des Six. Le Parlement se mettant en vacances le 12 mai et pour 3 semaines, on comprend que le temps presse si Monsieur Wilson veut conserver à son initiative européenne l'élan qu'il lui a imprimé depuis sa déclaration d'intention du 10 novembre 1966. Les ministres de l'Association européenne de libre-échange sont les premiers à faire les frais de cet élan. convoqués en 48 heures, ils écouteront aujourd'hui à Londres Monsieur George Brown et ils risquent fort d'être placés devant le fait accompli. Cette conférence des sept s'annonce comme une réunion d'information plus que de consultation. Encore que certains membres de l'association de libre-échange, tels que la Suisse par exemple, puissent réserver aujourd'hui à Monsieur Wilson des surprises désagréables. Quant au Commonwealth, dont Monsieur Wilson était il y a un an encore un des plus ardents défenseurs, on se contente de l'informer par la voie diplomatique. Aucune conférence du Commonwealth ne sera convoquée avant la décision britannique. Monsieur Wilson manifeste plus d'égards envers son opposition intérieure, envers les anti-européens les plus nombreux dans son parti que dans celui de l'opposition, et aussi envers les quelques éléments hostiles de son cabinet. Un nom les résume, ces éléments hostiles, celui de Monsieur Douglas Jay, ministre du Commerce extérieur. Dimanche, au Chequers, Monsieur Jay plaidera le dossier des anti-marchés communs, chiffres en main, mais sa cause est perdue d'avance. La majorité du cabinet, comme la majorité du Parlement, est favorable à la candidature de la Grande-Bretagne. Monsieur Jay démissionnera peut-être du gouvernement Wilson, ou bien il s'inclinera devant la majorité. Si la décision du gouvernement ne fait pas de doute, il reste cependant une inconnue. Dans quels termes Monsieur Wilson posera-t-il la candidature britannique ? L'assortira-t-il de conditions ? Se dira-t-il au contraire prêt à signer le traité de Rome tel qu'il est et prêt à souscrire au règlement agricole de la communauté ? C'est en fait là le fond du débat et ce sera sans aucun doute l'objet essentiel des réunions ministérielles du week-end. Magazine diplomatique, problèmes internationaux par André Blanc et Bernadette Marchal. Première diffusion sur France Culture le 28 avril 1967. Année de la guerre des Six Jours. Voici un extrait du magazine diplomatique consacré aux problèmes internationaux. Nous sommes le 9 juin 1967. Problèmes internationaux. Un magazine de l'actualité radiophonique dirigé par André Blanc. Entre le rendez-vous à Tel Aviv, que lançait lundi matin la radio du Caire, et le repli sur une deuxième ligne de défense, en l'occurrence le canal de Suez, annoncé avant-hier par la même radio, il y a eu tout juste place pour une campagne éclair qui, pour Israël, aura été encore plus fulgurante que celle d'il y a 11 ans. En moins de 3 jours, les forces du général Dayan ont conquis leurs objectifs, dont le plus important, avec le déblocage du détroit de Tiran, est de toute évidence le coup sévère porté à l'armée égyptienne. Même si les opérations de nettoyage de la presqu'île du Sinaï donnent lieu à des engagements sérieux, il est clair que dans la phase actuelle, la partie militaire n'est pas loin d'être terminée. La supériorité israélienne aura tenu avant tout au facteur humain. Le commandement et la troupe israélien possèdent une maîtrise impressionnante dans l'emploi de l'arme aérienne et de l'arme blindée. Les spécialistes n'ont pas fini de s'étonner qu'en quelques heures, dans la matinée de lundi, l'aviation israélienne ait pu neutraliser de façon aussi complète les aviations adverses. Et l'on peut se demander si, dès ce moment, les jeux n'étaient pas faits. Reste la partie diplomatique, qui ne fait que commencer. Le tournant décisif aura été, dans la nuit de mardi, la manœuvre de repli des soviétiques à l'ONU, juste après les entretiens Goldberg-Fedorenko. En renonçant à réclamer de façon explicite un retrait des forces israéliennes sur leur position du 3 juin, l'URSS rendait possible l'adoption par le Conseil de sécurité d'une résolution à l'unanimité et elle renouait surtout un dialogue décisif avec les États-Unis. Là encore, les observateurs s'interrogeront sur les raisons inexplicables qui ont conduit les pays arabes à refuser d'appliquer cette première résolution. Car cela a permis à l'armée d'Israël d'atteindre en quelques heures les abords même du canal de Suez, de prendre Sharm el-Sheikh, la ville sainte de Jérusalem, et la plus grande partie de la Cisjordanie. L'Union soviétique a fini par réagir pour éviter aux Arabes un désastre total. Et ce fut, mercredi soir, la deuxième résolution du Conseil de sécurité, impérative celle-là, et assortie d'une heure limite. Pourtant, À part la Jordanie, les pays arabes ont rejeté également cette deuxième résolution. On a vu se dessiner au Caire une sorte de plan global qui s'inspirerait d'une guerre d'usure et d'opérations à très long terme avec intervention de nouvelles forces qui n'ont pas encore été engagées, ce qui irait tout à fait dans le sens des conseils prodigués par Pékin. Mais une telle guerre est-elle encore possible ? Après le choc physique et moral subi ces derniers jours par les Arabes et dans l'état actuel de leur économie, cela semble bien douteux. On peut penser plus vraisemblablement que les pressions conjuguées de Moscou et de Washington finiront par imposer l'arrêt des hostilités. Tout dépend, en fin de compte, de l'attitude de l'URSS. Si la guerre se termine rapidement, il faudra recoudre. Et la besogne ne manquera pas pendant des semaines et pendant des mois pour les diplomates à l'ONU et dans les grandes capitales. Comment assurer la sécurité de l'État d'Israël tout en donnant satisfaction à certaines revendications légitimes des États arabes ? Est-il possible, comme on en a vu des exemples récents en Europe occidentale, de les amener un jour à remplacer la haine par la coexistence pacifique, voire par la coopération ? C'est à ces questions essentielles, et à quelques autres, que nous demandons à deux de nos confrères de répondre. Écoutons Jean Lacouture du Monde et Jean-Pierre Anquiri du journal télévisé, qui sont interrogés par Louise de Béa. Les armes ont parlé, que va-t-il se passer maintenant ? Jean Lacouture. Pour le moment, je crois qu'on ne peut pas être très confiant. Pour une bonne raison, c'est que ce qu'on attend dans une situation comme ça, c'est que les Arabes prennent conscience des faits de la présence d'Israël durable, de la nécessité d'organiser la coexistence, la coopération. Or, l'épreuve qu'ils viennent de subir est trop tragique, trop humiliante, pour être, me semble-t-il, une leçon de raison. Ce sera plutôt, je le crains, une leçon de folie. Je crains qu'ils ne s'enferrent dans le terrorisme, dans le refus des réalités. Je le comprendrai en un sens, d'ailleurs. En tout cas, je crois que la foudre qui vient de les frapper n'est pas une école de sagesse. Jean-Pierre Anquiri. Mais moi, je suis aussi pessimiste que Jean Lacouture. On a fait allusion à Tachkent, mais la situation à Tachkent était tout à fait différente. Il y avait deux pays qui avaient anéanti l'un l'autre leur armée. D'un côté l'Inde, de l'autre côté le Pakistan. Au Proche-Orient, c'est tout à fait différent. Il y a un petit pays qui est vainqueur et un ensemble de grands pays qui sont vaincus. Le pays vainqueur ne voudra absolument pas abandonner le fruit de sa victoire. Quant aux pays vaincus, ils n'auront qu'une idée, c'est d'essayer de prendre leur revanche. Donc, vous pensez que la décompression va s'opérer avec beaucoup de difficultés. Vous ne voyez pas une lueur, Jean Lacouture ? Si au bout du tunnel, je crois qu'il y a quand même, à long terme, il y a une solution. Je crois que c'est l'État judéo-arabe, je crois que c'est la fédération, la confédération, l'État binational, celui qui avait été proposé en 1947, notamment par l'Union soviétique, et qui a depuis été repris par divers leaders, quelquefois même des leaders arabes, généralement très à gauche, progressistes ou communistes. Cela reste, je crois, une solution intéressante. Et on a entendu, mercredi soir, si je ne me trompe, M. Moshe Dayan l'a préconisé, ou du moins l'a reprendre sous une forme nouvelle, qui est celle de la confédération de trois États, un juif et deux États arabes. Cela me paraît en effet une solution. Je crois que c'est la coopération qu'il faut organiser en ce sens-là. Je crois que la communauté nationale juive est un fait définitif au Moyen-Orient maintenant. Je crois d'autre part que les Palestiniens ont droit à un État. Il faut donc que ces deux États, sous le vocable palestinien, l'un Israël, l'autre Ismaël, collaborent d'une façon ou d'une autre à long terme. Je crois qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Seulement, pour le moment, je le répète, la blessure arabe est si vive et si saignante que je ne les vois pas accepter cette formule. Jean-Pierre Anquiri, croyez-vous que cette confédération peut exister ? Non, est-elle viable ? Je n'ai pas confiance dans les confédérations, quelles qu'elles soient. Même à long terme, je ne crois pas que celle-ci pourrait tenir. Voyez-vous, entre les Juifs et les Arabes, c'est un peu une lutte tribale. Et nous avons vu en Afrique, par exemple, comment les fédérations, les confédérations, lorsqu'elles groupaient plusieurs tribus, ne sont jamais arrivées à tenir. Il y a eu toujours des luttes, surtout lorsque ces différentes tribus ont des religions différentes. Anquiri vient de parler de confédérations qui sont, si l'on peut dire, prises au début du système de développement, n'est-ce pas ? Alors, je crois qu'à ce moment-là, comme les confédérations sont une formule extrêmement floue, extrêmement trouble, elles ont beaucoup de défauts, ces défauts éclatent et les font exploser, les font échouer. Je crois qu'il s'agit là d'une confédération qui serait un remède a posteriori, si l'on peut dire. Après, quand c'est beaucoup battu, alors on se confédère. Je crois que si on commence par se confédérer, on a des chances de se battre. Mais si au bout de longues luttes entre États allemands, entre États italiens, liens entre États suisses, avec des religions, en tout cas des langues différentes, des traditions culturelles différentes. Au bout du compte, on doit pouvoir s'entendre. Je crois que les sémites, les sémitiques entre eux ont beaucoup de raisons communes de travailler, non seulement géographiques. Je crois que Israël serait un ferment de progrès dans le Moyen-Orient quand les Arabes ont accepté de coopérer. Je crois qu'au bout du compte, il y a de fortes chances d'une addition de force et non pas d'une soustraction de force. Mais après, comme correctif à trop de malheurs. Extrait du magazine diplomatique Problèmes internationaux par André Blanc et Louise Debéa, avec Jean Lacouture et Jean-Pierre Anquiri. Première diffusion sur France Culture le 9 juin 1967. Partons un peu plus à l'est, c'est à Pierre de Boisdeffre, cette année-là, que le ministre de la Culture du général de Gaulle accorde une série d'entretiens. Il sera question du grand timonier. À l'occasion de la publication des Anti-Mémoires, entretien de André Malraux avec Pierre de Boisdeffre. Parmi les grandes figures que vous évoquez dans vos Anti-Mémoires, il y a Nehru, il y a Chou En Lai, il y a Mao Tse-Tung. À travers les souvenirs de Yénan, ceux de la longue marche, il y a une question qu'on a envie de vous poser. Est-ce que cet effort presque désespéré, cet effort poursuivi contre le monde entier, est-ce qu'il a vraiment aujourd'hui une valeur universelle ? Lorsque je suis en Chine, j'ai le sentiment que psychologiquement, il y a des éléments qui ne sont pas les anciens éléments exotiques de la fameuse Chine des mandarins. Il y a des éléments qui ne peuvent être transposés nulle part. La révolution dite culturelle, car elle s'appelle en chinois révolution culturelle prolétarienne, et l'accent est sur prolétarien tout de même, a été extrêmement mal expliquée ici, parce que, en règle générale, ceux qui ont vu n'ont pas été très instruits par ce qu'ils ont vu, et ceux qui connaissaient la question pour avoir suivi le développement de la Chine, en France, sont extrêmement peu nombreux. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il y a cette manie d'employer toujours le mot culturel là-dedans ? Il semble que la culture n'ait rien à y voir. C'est pourtant pour une raison excessivement forte. C'est que, sans aucun doute, dans l'esprit de Mao, l'essentiel est il y a une individualisation en Chine qui est restée beaucoup trop forte. Nous ne pouvons faire la véritable épopée que dans une désindividualisation complète. Et j'appelle révolution culturelle ce qui consiste à détruire ce qui reste d'individus et ce qui, le cas échéant, avec n'importe quel révisionnisme, augmentera les caractères de l'individu. Mao dirait, il est faux de dire que si on donne des deux chevaux à tous les Chinois, révisionnisme, les Chinois deviendront pour autant plus proches des Russes et plus prêts de s'occuper de leur niveau de vie, etc. Pas du tout, dira-t-il, si on arrive à créer un état d'esprit dans la Chine entière, semblable à celui de l'armée. Eh bien, en définitive, nous pouvons donner les deux chevaux sans danger, car nous pouvons donner des motocyclettes à tous nos soldats. On oublie trop ici que Mao a réussi d'une façon éclatante et comme une populaire. Les obstacles étaient immenses, mais la réussite est éclatante. Les Chinois ne viennent pas d'un individualisme à l'occidental. Autrement dit, chaque fois que nous reprenons ce point de vue de Mao, nous avons tendance à nous dire, prenons un occidental et mettons-le dans cette situation, il la trouvera intolérable. Mais si on donnait un bol de riz par jour aux Français, ils trouveraient ça intolérable aussi. Quant aux Chinois, jusque-là, ils mangeaient les écorces. Il y a une tentative de Mao qui est l'une des tentatives psychologiques les plus considérables que l'humanité ait jamais tentées. Il veut véritablement faire ce qui a été dans certaines théories communistes, mais qui n'a jamais été appliqué, parce que Staline a voulu faire une super discipline, il n'a pas voulu faire une super désindividualisation. Et d'autre part, l'anarchie, au contraire, aboutit à l'individu. Il y a donc là quelque chose d'absolument considérable. Est-ce que c'est universalisable ? Ça, je vous dirais, répondez vous-même, c'est une réponse assez difficile. Je crois que j'ai raconté dans le livre, sinon peu importe, qu'un moment assez dramatique de la conversation avec Mao, je lui dis, voyons, vous qui étiez toujours un marxiste, vous savez aussi bien que moi à quel point le marxisme posait la nécessité de fonder la révolution sur le prolétariat combattant. Bon, vous avez connu Borodine qui acceptait encore complètement cette idéologie. Il aurait pu en accepter une autre, c'est entendu, mais c'était celle-là la sienne. Et quant aux adversaires trotskistes, ils avaient également l'idéologie que la révolution, c'est le prolétariat. Un jour, un garçon qui n'avait pas même 30 ans, qui jouait un rôle infime dans le parti, qui est vous-même, s'est mis à dire « la révolution ne sera pas prolétarienne, la révolution sera paysanne ». Ce jour-là, vous aviez tout le monde contre vous, et c'est à cause de ça que vous avez eu Staline contre vous pendant si longtemps. Est-ce une pure idéologie, ou est-ce un événement? Qu'est-ce qui vous a amené à oser dire « nous refusons tout l'héritage marxiste traditionnel et nous allons fonder la révolution sur les combats paysans ?» Et alors, il m'a répondu ceci. Quand j'ai quitté Shanghai au moment de la répression, chacun de nous a essayé de voir ce qu'il pouvait devenir, certains sont allés à l'étranger. Pour moi, ce qui va être plus intelligent, c'était de rentrer dans mon village. Mon village était à 3000 km, personne ne savait du tout quel avait été mon rôle dans le communisme à Shanghai, il n'y avait aucun danger, c'était le plus raisonnable. Alors je suis parti pour mon village et j'étais obligé d'arriver à pied. Quand je suis arrivé à 6 km, il n'y avait plus une écorce aux arbres jusqu'à 4 mètres d'eau. La situation était telle que les malheureux hommes étaient obligés de manger les écorces des arbres. Inutile de vous dire avec quelle dysenterie et quelle maladie, etc. etc. Bon, dans ces conditions-là, on pouvait obtenir de meilleurs résultats en donnant une pique à un paysan qu'en donnant une pique à un coolie qui, en définitive, avait toujours à Shanghai vécu infiniment mieux que n'importe quel paysan. L'anecdote symbole a un très grand poids parce qu'elle répond à sa manière à votre question de tout à l'heure. Les gens qui mangeaient les écorces n'en demandent pas beaucoup. Et de même qu'ils sont satisfaits du bol de riz, ils sont satisfaits de cette sorte de lien extrêmement profond qui peut s'établir entre eux et sans individualité, tout à fait autrement, une certaine chaleur humaine que je ne peux pas définir parce que nous n'en avons en Occident absolument aucune équivalence. Il faudrait rêver un petit peu à l'armée mythique, enfin ce qu'on racontait avec beaucoup de bourrage de crâne, de l'armée du début de la guerre de 14. Il est bien entendu que les hommes combattaient avec très, très peu d'individualisation et que néanmoins la chaleur humaine qui les unissait était assez grande. Ce qu'on oublie toujours à tort, c'est que l'armée chinoise est en définitive une armée d'un très petit nombre d'hommes, n'est-ce pas ? Il y a 2 800 000 hommes. Or, s'ils faisaient une mobilisation à la nazie, ils seraient 80 millions. Lorsqu'on tente une commune populaire, si on la fait diriger par n'importe quelle deuxième classe, le deuxième classe en question est capable de la diriger. Donc, on peut concevoir quelque chose de tout à fait désindividualisé à la base, avec des masses colossales, et des cadres qui sont en partie les cadres politiques, les gardes rouges qui s'agitent, et puis l'armée, elle, est excessivement sérieuse qui encadre. En lisant le chapitre des anti-mémoires qui relate vos entretiens avec Mao et qui explique en effet toute la théorie du poisson dans l'eau et le prodigieux ralliement non seulement des paysans, mais des soldats de Chiang Kai-shek à l'armée populaire, on croit d'ailleurs lire un chapitre de l'espoir. Enfin, c'est autre chose, mais c'est la même chose, c'est la fraternité. Est-ce que vous avez toujours le sentiment que la fraternité, c'est beaucoup plus important que la liberté et que c'est beaucoup plus important que l'égalité ? Je ne sais pas si c'est plus important, ce dont je suis absolument sûr, c'est que c'est par la fraternité que passe la révolution. Ou bien c'est la révolution des avocats, comme disait Marx, et dans ce cas-là, c'est un ensemble de réformes ou de transformations, au mieux c'est le New Deal. Mais à partir du moment où la réalité révolutionnaire entre en jeu, sa matière première c'est la fraternité. Je ne conçois même pas une révolution sans fraternité. Vous ne parlez pas de la famille chinoise à Mao. Or, est-ce que ça n'est pas la plus grande révolution de la Chine actuelle que d'avoir supprimé la famille? Ce qui est le fait nouveau, c'est pas la disparition de la famille, c'est que la famille ne soit plus définie par les liens du sang. Ce qui, naturellement, est excessivement important, ou plutôt le serait si on gardait le culte des ancêtres. Il a pu réussir l'opération parce qu'il a supprimé le culte des ancêtres, puisque avec les ancêtres, c'était les liens du sang, inévitablement. La Chine n'attache pas d'importance à ses morts. Enfin, la vieille phrase fameuse, il n'y avait plus de morts que de vivants. Aujourd'hui, c'est à peu près fini. Ensemble, on peut dire Mao a réussi à faire une nouvelle famille qui n'est pas la famille parce qu'il a réussi à faire que cette famille ne soit pas héritière de ses ancêtres. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour dire qu'il a réussi? Je viens de parcourir une partie de l'Asie islamisée. Ce qui me frappe, c'est la résurrection de l'islam dans des pays où il avait été, je ne dirais pas déraciné comme en Turquie, mais enfin, où il était bien près de l'être. L'islam est une religion. Eh bien, est-ce que le culte des morts n'en est pas une autre? Je ne crois pas. Vous avez tout à fait raison de mettre le culte des morts dans la religion, parce que les Français croient toujours qu'il n'y a de religion que des dieux. Or, il y a au moins des religions, des dieux et des morts. Le retour des morts à l'intérieur de la Chine ne changerait pas beaucoup le maoïsme. Je vois très bien une sorte de culte romain reparaissant et ne nuisant pas à ce qu'a tenté Mao. Maintenant, je pense, contre un très grand nombre d'excellents esprits, que c'est une erreur occidentale de supposer qu'à l'heure actuelle nous allons au retour des seigneurs de la guerre, que tout ça va finir par le plus grand désordre. Il est très vrai que Mao ne contrôle directement que cette province dans laquelle la révolution culturelle est pratiquement faite, mais en définitive, c'est à mes yeux une erreur complète de croire que les autres joueront contre lui. L'homme qui a fait la longue marche est encore tout à fait intact, et la grande puissance qu'il avait de partir de rien et de faire ce colosse qui s'appelle la Chine est encore là, et il n'y aura pas le retour au seigneur de la guerre. Il n'y aura ni Thermidor, ni le 18 Brumaire. Je ne crois pas du tout à Thermidor tout le temps que Mao sera là. C'est pas en définitive, que veut dire Thermidor? C'est la révolution ayant réussi. Attention qu'il y a tout de même 50 ans d'écart entre les deux révolutions. La révolution ayant réussi, on admet qu'un certain nombre de problèmes de niveau de vie vont devenir des problèmes capitaux et on admet que les biens de consommation courante vont être plus importants que les biens, en définitive, de défense nationale, car c'est de ça qu'il s'agit, ou de création d'une industrie lourde. Quoi qu'on en dise, la Chine est en train de créer son industrie lourde, n'est-ce pas ? Ils ont fait cette expérience comique, qui est l'expérience des hauts fourneaux individuels, qui n'a donné aucune espèce de résultat, mais ils ont tout de même fait aussi les aciéries de Hanyang. Quand je suis allé là-bas la dernière fois, je partais avec les journaux occidentaux qui disaient que, avec les Russes, les aciéries s'étaient arrêtées. Je suis arrivé à Hanyang avec toutes les cheminées en train de fumer. Pour qu'il puisse y avoir un Thermidor, il faudrait que Mao fût tué. Il n'y aura pas de Thermidor parce que les mesures qu'il prendra n'ont pas besoin d'être tellement brutales, mais néanmoins, n'oublions pas qu'elles deviennent de plus en plus brutales. Mao a employé des méthodes extrêmement brutales pour en finir avec les grands propriétaires terriens. Il n'a pas employé des méthodes extrêmement brutales, quoi qu'on en dise, au moment des sans-fleurs. Est-ce que Mao peut garder cette prétention à l'immortalité qui est celle de tous les grands chefs révolutionnaires, car Nkrumah et Sukarno aussi se tenaient pour immortels? On a le sentiment qu'il n'y a rien de commun. D'abord, il est en train, lui, de se désindividualiser d'une façon très curieuse. Vous avez remarqué que vous ne voyez plus un seul texte chinois depuis 3 ans, n'est-ce pas, sans qu'on vous parle essentiellement de la pensée de Mao Tse-tung. Dans les slogans, la pensée de Mao Tse-tung, le petit livre rouge, tout ça c'est de la désindividualisation. Avant, on disait Mao Tse-tung. Donc il n'y a rien de commun avec le culte de la personnalité. Bon, d'autre part, tout de même, si Sukarno avait fait la longue marche, ça se saurait. Oui. Il a quand même chassé les occupants. Ils sont partis. Mao est la plus grande figure historique de notre époque, dans le sens où l'histoire implique une accumulation de choses. Enfin, Mao, c'est le général de Gaulle qui serait Clémenceau. C'est Staline qui serait Lénine. Parce que tout commence avec lui. La révolution de 1911 n'avait pas fini par une révolution concrète, le moins du monde, c'est une révolution de juristes. Alors, il y a Sun Yat-sen quelque part dans l'Empire. Mais pour les Chinois, Sun Yat-sen n'avait pas changé les choses. Les choses ont commencé à changer avec Mao, et depuis, ça n'a pas cessé d'être lui. Alors, il a rencontré des obstacles véritablement incroyables. Il s'est battu contre une armée très puissante. Je crois que la biographie de Mao est une des biographies les plus extraordinaires du monde. D'ailleurs, vous savez qu'il le sait, il y a un des poèmes, n'est-ce pas, qui finit assez étrangement. Le Chinois permet l'ironie très visible. Il fait un grand poème assez beau sur les grands conquérants de jadis, n'est-ce pas, et son dernier vers est « Mais regardez donc autour de vous ». Vous venez d'entendre le deuxième des 3 entretiens d'André Malraux avec Pierre de Boisdeff. Assistante de réalisation, Michel Thierry. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 septembre 1967. En cet automne débutant, naît un mystère, au sens fort, mystère qui entoure la disparition d'un homme et son entrée dans l'immortalité via les posters au mur des chambres des jeunes gens du monde entier. D'un jour à l'autre, par Jean Chouquet, Jean-François Noël et Hélène Tournaire, on rend compte. Nous sommes le 12 octobre 1967. Il y a un roman policier, politique et passionnel. C'est celui du Che Guevara. Est-il mort? Est-il vivant? Albert Paul Lantin, à votre avis? Mon avis, je ferai comme le détective devant une situation donnée. J'évalue des probabilités. Moi, je dis 75% de chances qu'il soit mort, 25% de doute. 75% de chances qu'il soit mort parce qu'on sait qu'il était en Bolivie. Régis Debré l'a dit, les délégations boliviennes à la conférence de l'OEA l'ont dit, qu'il était dans une région extrêmement difficile au point de vue du climat, dans cette forêt vierge basse, très humide, alors qu'il est asthmatique, et que, d'après des informations, il était en difficulté enfin, pour se déplacer, et qu'il était encerclé par des unités non seulement boliviennes, mais surtout américaines, car c'est une affaire qui est menée par les bérets verts et par les conseillers américains, qui sont très nombreux, très puissants et très influents. Alors, évidemment, cette situation était difficile. On peut très bien imaginer que, dans un combat, il ait trouvé la mort, d'autant plus qu'il a cherché, d'une certaine manière, cette mort. Je ne veux pas dire qu'il prenait le risque délibérément, mais qu'il avait assumé un risque fondamental de mourir pour donner, d'ailleurs, une certaine image à sa vision politique. Maintenant, 25% de doute, parce que les Boliviens n'ont pas été convaincants, étant donné qu'est-ce que c'est que ce cadavre escamoté, inhumé à la sauvette, ces autopsies fantoches, ces photos qui peuvent être celles de n'importe quel autre guérillero, parce qu'il y a un style, vous connaissez ça bien, Hélène, le style guérillero, avec le visage émacié, la barbe, etc. Et bon, la photo est ressemblante, moi je connais très bien le Che, et quand j'ai vu ces photos, je dis ça peut être lui, mais ça aussi ne peut être pas lui. D'autant plus qu'il se lui semble plus jeune, plus émacié, plus mince, il semble un peu moins rassis qu'était le Che, qui a quand même 37 ans. Un peu plus grand aussi. Un peu plus grand aussi, oui. Mais on est souvent plus grand mort que vivant. Voilà. Et puis alors, il y a le problème des sosies. Vous savez, moi, une chose qui m'a beaucoup frappé, j'ai lu Life, et puis j'ai vu que la légende d'une très belle photo apportée par les Boliviens est produite, disant le septième à gauche, c'est le Che, d'accord, mais le huitième ressemble comme deux gouttes d'eau au Che. Mais est-ce important pour la révolution que le Che soit mort ou vivant ? Écoutez, j'oserais pas dire que ce n'est pas important, car la vie d'un homme, c'est toujours important, et même si cet homme est exceptionnel, c'est plus important encore. Mais dans une certaine mesure, pour le Che, c'est pas tellement important, parce que pour des millions de gens en Amérique latine, il sera toujours vivant, enfin, mort ou vivant, on ne saura pas très bien. D'abord, ils ne voudront pas croire la version de sa mort telle qu'elle est présentée actuellement. Ils ne la croiront que si elle est assumée, officialisée par les Cubains, qui alors feront la dramatisation que vous connaissez, qui porteront le deuil, qui feront un grand meeting, etc. Mais la vie du Che est entrée dans la légende. C'était déjà un mythe. C'était déjà à la fois, je l'ai dit, Zorro, Fantomas, et maintenant, c'est le Christ révolutionnaire. Parce qu'une chose m'a frappé, cette photo, c'est une descente de croix. Vous voyez la barbe, le visage émacié, la position même, c'est un tableau de Gréco. Il se trouve que ce Christ est un Christ révolutionnaire. Alors, les gens diront, dans ce continent sud-américain, où le révolutionnarisme et le catholicisme plus ou moins superstitieux sont très mélangés, il dit, bon, il est mort, mais après la mort, il y a la résurrection, donc il y aura d'autres mouvements, il y aura d'autres engagements. D'ailleurs, il semblait l'avoir prévu. Vous connaissez, vous, par cœur, tous ces messages, sa fameuse lettre. Oui, etc., oui. Oui, il l'avait prévu. Il avait prévu parce que il a introduit dans les doctrines révolutionnaires un élément, si vous voulez, personnel, affectif, volontariste, qui est assez nouveau, qui donne cette coloration à la fois très dure et en même temps romantique, qui est celle du moment en Amérique latine. Et alors, il insistait beaucoup sur le rôle du chef révolutionnaire qui doit donner l'exemple, et donner l'exemple jusqu'au sacrifice suprême. Alors, il avait dit depuis le début, il avait dit en partant de Cuba, enfin, quand il disait « Je laisse ce qui m'est le plus cher, mes espérances de constructeur, ma famille, je vais là où m'appellent d'autres expériences, mettre mes modestes forces au service de d'autres terres, d'autres mouvements, etc. » Et puis il avait écrit à ses parents aussi une lettre étonnante, signée le petit condottier, l'enfant prodigue récalcitrant, mais aussi disant « Mon marxisme a mûri et il faut maintenant que je donne à mes idées un impact, une dramatisation, si vous voulez, qui leur donnera un rayonnement universel. » Et alors, le texte le plus étonnant, c'est ce fameux message qu'il a fait parvenir à l'Organisation de solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, le 17 avril 1967, qui est un texte politique, qui est un texte, un testament politique, qui est un texte qui fait une analyse de la situation mondiale, de l'expansion américaine, qui définit une tactique pour lutter contre cette expansion, etc., mais qui se termine par une espèce de poème en prose qui pourrait très bien figurer dans toutes les anthologies du grand lyrisme. C'est la citation suivante, c'est la fin du message. « Peu importe le lieu où me surprendra la mort, qu'elle soit la bienvenue, pourvu que notre appel soit entendu, qu'une autre main se tende pour empoigner nos armes, et que, dans le crépitement des mitrailleuses, d'autres hommes se lèvent pour entonner les chants funèbres et pour pousser de nouveaux cris de guerre et de victoire. » « France Culture, il est 20h, en direct du studio 109, d'un jour à l'autre, une émission, ou d'une oreille à l'autre, comme on veut. Une émission de Jean Jouquet, réalisée avec le concours de François Le Targa et de Gilbert Maurice Duprez, préparée et présentée par Hélène Tournaire et Jean-François Noël. Merci à tous, merci à Philippe Soupeau, Daniel Potra, Paul-Albert Lantin, Maïs Boulois et au professeur Israël et Place. Au revoir. À demain. À demain. Bonsoir. J'ai un point de rentrée, toi. D'un jour à l'autre, mort de Che Guevara par Jean Chouquet, Jean-François Noël et Hélène Tournaire, nous étions le 12 octobre 1967 sur France Culture. Le carnaval nous entraîne, quatre nuits sans perdre haleine. L'orgue oriental se déchaîne, et moi qui danse comme un trône. À Santiago de Cuba, le rhum qui coule du tonnerre, la serviette en bandoulière, j'avais l'air de quoi ma mère, moi qui danse comme une soupière. C'était dur. Santiago de Cuba, un sombrero fantastique, un cigare astronomique, la musique, et moi qui danse comme une barrique. C'était très dur. À Santiago de Cuba, les petits saints des métis, du miel et du pain d'épices, je côtoie les précipices, et moi qui danse comme une saucisse. Allez mon vieux, faut tenir, hein. Santiago de Cuba. Le Che est mort, vive le Che. Ou bien, vive Fidel. En tout cas, vive la révolution cubaine, vive l'expérience cubaine, vive la sélection, qui n'est pas la censure. Pourquoi censurerait-on des artistes? Sauf bien sûr s'ils menaient des campagnes anti-révolutionnaires, sauf s'ils sabotaient. Ah, ça m'inquiète un peu le terme de sabotage, ose l'intervieweur vite rassuré. L'entretien avec Lisandro Otero, romancier et journaliste cubain, est enregistré quelques semaines avant la tenue du premier congrès des écrivains de Cuba. Au programme, révolution, colonialisme, néocolonialisme, responsabilité de l'intellectuel face aux problèmes des pays sous-développés, crise des sous-cadres et même les droits d'auteur. Lisandro Otero, pour la première fois, il va y avoir un congrès des intellectuels du tiers-monde qui va être organisé et pour cette première fois, c'est à Cuba. En quoi consiste ce congrès des intellectuels du tiers-monde? C'est un congrès qui tient encore lieu à La Havane au mois de janvier, entre les 4 et les 11 de janvier de 1968, dans lequel seront représentés les intellectuels de tous les mondes Et s'agira, et on parlera sur les problèmes fondamentaux de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Mais il ne s'agit pas uniquement des intellectuels du tiers-monde. Il s'agit des intellectuels qui s'occupent des problèmes du tiers-monde, c'est ça, non? Bien sûr, oui. Seront des intellectuels des Européens, de l'Amérique du Nord aussi, enfin de tous les mondes, mais sera sur les problèmes du tiers-monde, du monde sous-développé. Les problèmes du monde sous-développé, vous entendez par là? Exactement. Quel problème? En général, nous pensons que le sujet général de ce congrès sera le colonialisme et le néocolonialisme dans le développement culturel des peuples. Je suppose que, enfin, d'après la politique actuelle de Cuba, c'est l'Amérique latine qui va être à l'honneur, surtout, non? Pas seulement, pas du tout, je ne crois pas. Il y a l'Amérique latine, mais il y a aussi des problèmes si graves qu'en Amérique latine, en Asie, en Afrique aussi. Duquel nous devrons nous occuper. Les formes de colonialisme et de néocolonialisme qui sont pratiquées par quel pays essentiellement? Et les questions de colonialisme et du néocolonialisme en général qui appartiennent aux pays qui ont pratiqué depuis longtemps, disons, on peut dire du 19e siècle, et l'impérialisme envers les mondes sous-développés. Que devient la France dans cette affaire? Et la France aujourd'hui, comme vous savez, a une position très progressiste envers le tiers-monde. Et les positions générales de la République française, du gouvernement français, et envers les peuples africains, les peuples asiatiques et même l'Amérique latine, et ce sont des positions très compréhensives sur les problèmes des pays sous-développés. Plus précisément, à l'intérieur de ce grand sujet général, colonialisme et néocolonialisme, quels sont les sujets qui vont être traités? Bon, d'abord, il y a les problèmes qui posent la indépendance nationale et la culture. C'est-à-dire, on pense qu'une vraie culture nationale commence au moment où il existe un détachement de toutes les influences de type étranger dans un pays quelconque, dans lequel les intellectuels, le peuple même, comprend les racines de son passé, et aussi les vrais problèmes qui se posent dans son avenir culturel. Deuxième thème, je vois culture et moyens massifs de communication. Et ça, c'est très important parce que je crois que Cuba a résolu ce problème d'une façon assez particulière, en particulier le problème de l'édition et d'une certaine forme de propagande aussi. Tous ces problèmes ont été résolus d'une façon très, très dynamique à Cuba. De quelle manière exactement? Mais vous me demandez sur les problèmes spécifiquement cubains ou en général sur les sujets qu'on va traiter dans les congrès? Le sujet que vous allez traiter au congrès, c'est culture et moyens massifs de communication. Oui. Mais il se trouve que dans ce domaine, Cuba est en tête de tous les pays du tiers-monde puisque le problème a été résolu d'une manière très dynamique. Je voudrais savoir précisément à Cuba, de quelle manière vous avez résolu ce problème des moyens massifs de communication? Bon, le problème est surtout du point de vue idéologique. Et il existe l'imposition de valeurs qui ne sont pas propres aux intérêts nationaux d'un pays. Et alors, comme vous savez bien, et connu partout dans le monde, je crois, et à Cuba, avant notre révolution, il existait des grosses influences de l'Amérique du Nord, surtout dans la presse, la radio, la télévision et les maisons d'édition. Ça existait. Alors la première chose qu'on a fait après le triomphe de la Révolution, c'était séparer les vraies valeurs nationales de notre pays de ce qui était un peu l'influence étrangère. Ça ne veut pas dire qu'on se détache des techniques ou des moyens modernes, qu'on rentre dans le passé pour chercher les racines folkloriques. Ça ne veut pas dire ça du tout. Mais seulement qu'on essaie, tout en restant contemporaine, on essaie de comprendre et vraiment quelles sont les sources de notre nationalité et de les appliquer dans les moyens massifs de communication. Ça, du point de vue idéologique, du point de vue technique, d'organisation générale, on pourrait parler beaucoup, mais je crois que ça n'intéresse pas trop. Si, au contraire, justement, parce que dans le domaine de l'édition, précisément, je crois qu'il y a eu des problèmes techniques résolus avec une rapidité extraordinaire à Cuba. Quel point de vue machine, vous dites? Des machines et surtout quant à la masse de diffusion des livres, des journaux. surtout à Cuba. Voyez, par exemple, ce qui nous a surpris en France, c'est de voir le livre de Régis Debray qui a été diffusé à 200 000 exemplaires. Oui. 200 000 exemplaires, ça n'existe plus en France. On ne diffuse plus un livre à 200 000 exemplaires. Lorsqu'un livre sort à 10 000 exemplaires, c'est déjà extraordinaire. Oui. Mais ça, ce n'est pas une question de technique, de la technique. N'importe quelle machine peut produire 200 000 exemplaires. C'est une question surtout de lecteur. C'est-à-dire qu'il y a un lecteur avide de livres. Et ça s'est développé après la Révolution beaucoup. C'est-à-dire on parle, on suscite une énorme avidité, une énorme curiosité intellectuelle chez le peuple. Et alors les lecteurs se multiplient. En plus, comme vous savez, on a fait en 1961 une grande campagne d'alphabétisation. Et aujourd'hui, il n'existe presque aucun analphabète dans notre pays. Et c'est-à-dire qu'il existe 2.3 ou quelque chose comme ça, c'est presque rien. Ce sont les vieillards, les invalides, des gens qui ont des maladies aux yeux, des choses comme ça. Mais en général, tout ce qui peut lire aujourd'hui à Cuba, il lit déjà après cette campagne d'alphabétisation. Alors, et en général, ce climat des discussions, des confrontations d'idées, suscite cette avidité, cette curiosité de laquelle je vous avais parlé. En général, je crois que c'est un phénomène très commun dans les pays socialistes. Je me souviens une phrase d'Ilya Ehrenburg, qui vient de mourir il y a très peu, qui disait que le chef-d'œuvre de la littérature soviétique, c'était le lecteur. Il a dit une fois, je crois qu'en général, dans les pays socialistes, le climat des confrontations qui se suscitent développe ce grand nombre de lecteurs. Et en plus, c'est aussi l'élèvement de l'industrie éditoriale, bien sûr. C'est cela. Et justement, on en arrive au troisième sujet, au troisième grand sujet traité dans ce congrès des intellectuels du tiers-monde. Il s'agit de la formation intégrale de l'homme. Parce que, en fait, même pour un lecteur, il faut le former, n'est-ce pas ? La formation intégrale de l'homme, qu'est-ce que vous entendez par là, exactement ? Bon, dans la formation intégrale de l'homme, c'est le troisième point du thème qu'on va traiter dans les congrès. Et on pense qu'il y a le développement politique qui est amélioré, qui est accéléré par les processus révolutionnaires dans un pays. Et deuxièmement, il y a le rôle du travail, de la recherche scientifique, de l'éducation scientifique et technique, des activités artistiques et sportives dans la formation d'un individu. Et en plus, il y a les problèmes de la libération de la femme qui sont très importants, surtout dans les tiers-monde, qui la femme habite toujours entourée des préjugés et des anciens mythes. Et en plus, il y a la responsabilité et les problèmes de la jeunesse dans les problèmes de leur propre pays. Et ça, c'est l'ensemble de ce qu'on comprend comme les questions de la formation intégrale de l'homme. Quatrième sujet, problème de la création artistique et des recherches scientifiques. Il y en a un qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la création artistique. Dans un pays socialiste, comment la conçoit-on ? Bon, dans notre pays, à Cuba, nous concevons la création artistique comme la responsabilité que l'intellectuel, l'artiste en général, a envers les milieux sociaux dans lesquels il habite. Mais et en plus, nous pensons que le devoir de l'État aussi, envers cet artiste, c'est de procurer tous les moyens matériels pour le développement de son œuvre. C'est-à-dire qu'à Cuba, on ne dirige pas, on n'oriente pas la culture. Chacun prend de sa source sociale les thèmes et les sujets qui l'intéressent plus, sans aucune direction d'État. Et l'État seulement lui procure les moyens pour continuer à travailler. Oui, c'est ça. Alors, l'État lui procure les moyens pour continuer à travailler, seulement si l'artiste ne crée pas dans une certaine ligne générale et qu'il soit favorable quand même au gouvernement, à ce moment-là, je suppose que l'État lui supprime ses moyens de vivre. Ah non, pas du tout. Seulement, la seule chose que nous ne sommes pas d'accord, c'est s'il y a des activités contre-révolutionnaires. C'est-à-dire, s'il existe un artiste qui est contre-révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il emploie des moyens de sabotage contre la sécurité de l'État révolutionnaire, s'il y a un artiste qui, idéologiquement, il mène des campagnes contre la révolution, alors à ce moment-là, oui, mais ce n'est pas non plus une affaire idéologique, c'est une affaire de police, comme partout dans le monde. n'est-ce pas? C'est pas une question à nous, c'est pas une question de culturelle, c'est pas une question du Conseil national des cultures. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est le mot sabotage, parce que on peut attribuer le terme de sabotage finalement à une œuvre qui ne plaît pas tellement aux milieux officiels. Ah, mais non, on dit sabotage au vrai sens du mot sabotage, c'est-à-dire c'est à fait une activité en dehors des activités artistiques. On peut pas dire jamais de sabotage d'un tableau, on peut pas parler de sabotage d'un écrit quelconque. On dit sabotage si quelqu'un brûle une usine. Ça, c'est du sabotage pour nous. C'est pas une autre chose. C'est-à-dire, c'est une activité. Si lui, en tant qu'individu, il prend des autres activités, alors il, bien sûr, il ne sera pas, il recevra pas de l'aide de l'État, et en plus, il recevra sans doute une peine de prison. Bien entendu. Cinquième sujet, responsabilité de l'intellectuel face aux problèmes du monde sous-développé. En fait, ce dernier thème s'enchaîne assez bien avec le problème de la création artistique et des recherches scientifiques. La responsabilité de l'intellectuel vis-à-vis du monde sous-développé est laquelle? Si vous me permettez, je voudrais ajouter que jusqu'ici, nous n'avons pas eu aucun cas d'intellectuel. En général, tous les intellectuels, les écrivains, et les artistes et les hommes de science, les savants, chez nous, ont eu une attitude très révolutionnaire. Parce que la révolution, c'est l'exercice de l'intelligence pure. Et c'est ça même, c'est la définition de l'activité intellectuelle aussi. C'est-à-dire, il y a toujours, dans la révolution, une explication logique, un développement logique des faits. Et les intellectuels se trouvent très à l'aise dans ces milieux. C'est ça, en fait, préserver l'individu au maximum au sein de la masse. Bien sûr, c'est ça. Justement, pour continuer la question, lorsque un jeune écrivain veut se faire éditer, comment s'y prend-il ici à Cuba? Bon, à Cuba, il y a plusieurs maisons d'édition. Alors, ce sont des maisons d'édition spécialisées par sujet. C'est-à-dire qu'il y a une maison d'édition pour la littérature de la jeunesse, il y a une maison d'édition pour les auteurs cubains contemporains et les auteurs cubains classiques, et c'est-à-dire une maison de belles lettres, comme on l'appelle. Et il y a aussi des maisons d'édition pour les classiques mondiaux, pour les livres techniques, pour les livres de textes universitaires, premier enseignement, etc. Et s'il y a un jeune auteur, il apporte la... aux deux ou trois maisons qui peuvent s'en occuper, qui sont celles de l'Union des écrivains, qui a une maison d'édition. Hein. Il y a aussi une autre maison qui s'appelle Cocuyo, qui publie aussi des jeunes écrivains. Alors, il propose son livre, et c'est comme partout, je crois, il y a des conseils éditoriaux qui lisent les livres, qui jugent les livres, qui votent pour ou contre. Il y a toujours un lecteur qui est chargé de proposer les livres. Et après, on discute tous ensemble dans les conseils de direction. À la fin, les livres sont approuvés ou non. C'est ça. C'est-à-dire que la censure se fait au niveau déjà de ce conseil qui se réunit, avant l'édition même du livre. Oui, mais on ne fait pas de censure. Ce n'est pas les mots employés parce qu'il y a toujours la qualité du livre qui dépend. C'est-à-dire parce qu'on emploie toujours le mot censure dans un autre sens, c'est-à-dire censure du point de vue politique. C'était pas cela exactement dans mon esprit. La censure existe dans tous les pays. Oui, c'est-à-dire la sélection, vous dites. C'est cela, oui, si vous voulez. Bon, la sélection, on l'a fait, au niveau du conseil d'édition, dans chaque maison éditoriale. Parce qu'il est possible, voyez-vous en France, qu'un livre soit édité chez un éditeur et qu'ensuite il soit interdit à la diffusion. Ce cas, chez vous, ne peut pas se produire, puisque en fait, il serait interdit avant même d'être édité. Ah oui, bien sûr. Enfin, il y a une dernière question que je comptais vous poser. Fidel Castro, dans l'un de ses discours, a supprimé les droits d'auteur. Quelle réaction ce discours a provoqué chez les intellectuels et les auteurs en particulier? Bon, d'abord, Fidel Castro, dans son discours, il n'a pas supprimé les droits d'auteur. Il a parlé du droit qu'avaient les pays sous-développés d'obtenir une partie de la richesse en connaissances techniques qui avait accumulé les mondes industrialisés en suçant du tiers-monde leurs matières premières. C'est-à-dire qu'il existe une richesse techniques, culturelles, scientifiques dans ces pays, qui est exprimé dans les livres techniques, qui est exprimé dans les traités. Et si nous voulons faire traduire et publier ces traités, on peut les faire sans payer des droits d'auteur. Et pour essayer, avec ces moyens, d'obtenir encore les richesses qui se sont enfouies pendant les périodes colonialistes dans les tiers-mondes. C'est cela. Et alors, en fait, bon, à l'intérieur du pays lui-même, comment vit un auteur ? À Cuba, comment vit un auteur s'il ne touche pas de droits d'auteur? Ah, mais oui, il touche des droits d'auteur. On parlait des droits d'auteur des livres de l'étranger. C'est-à-dire, on publie les livres de l'étranger et à Cuba sans se payer à l'étranger. Seulement, on dit à l'auteur, on ne peut pas payer en devises, vous savez. Mm-hmm. C'est-à-dire, les devises que nous avons à Cuba sont des devises pour acheter des outils, des machines duquelles nous avons besoin. Mais on dit à l'auteur étranger, on publie à l'auteur étranger, on lui dit, vous pouvez venir à Cuba, vous pouvez venir chez nous, et vous avez la quantité des droits d'auteur auxquels vous avez droit déposés chez nous, vous pouvez la dépenser ici, et on ne peut pas vous payer ailleurs. C'est ça qu'on dit aux auteurs étrangers. S'il y a quelqu'un qui accepte, il peut venir ici, il peut rester n'importe quel temps qu'il veut, d'accord avec les moyens qu'il a, déposés dans les banques cubaines. Mais les auteurs cubains, ils reçoivent bien sûr des droits d'auteur. C'est cela, un auteur étranger qui est donc diffusé à Cuba, s'il veut toucher ses droits d'auteur, il faut qu'il vienne vivre à Cuba. Oui, bien sûr, il faut qu'il les dépense ici. C'est ça, il faut le dépenser ici. Vous n'avez pas eu de réaction de tous ces auteurs étrangers, de protestation à cette décision? Non, jusqu'ici, il paraît qu'ils sont assez intelligents, nous n'avons pas reçu aucune protestation, ils sont tous d'accord, et on a même reçu des lettres de gens qui ont volontairement, même on n'avait pas pensé de traduire ces livres, et eux-mêmes, ils ont offert les droits gratuitement au gouvernement cubain pour faire publier des livres techniques ici. Est-ce que le problème est le même pour les auteurs et compositeurs de musique? Non, les auteurs et les compositeurs de musique, ils continuent à recevoir ici aussi les droits d'auteur, comme d'habitude. Oui, mais je veux dire, les auteurs et compositeurs étrangers, touchent-ils des droits venant de Cuba? Non, certainement pas. C'est le même problème que pour les auteurs. Les auteurs étrangers de musique, non, ils ne touchent pas. La musique qui est jouée à Cuba, oui. Non, ils ne touchent pas. C'est comme les auteurs de livres techniques. Entretien avec Lisandro Otero, romancier et journaliste cubain, enregistré à l'automne 1967, quelques semaines avant la tenue du premier congrès des écrivains de Cuba. De personne en Harley Davidson. Samedi prochain, retour en France et avec les jeunes Françaises et les jeunes Français, celles et ceux qui, un an plus tard, contesteront et défileront, mais qui, pour l'heure, avant de la critiquer, adorent la société de consommation. Mais aussi les jeunes Françaises et les jeunes Français qui commencent à s'investir dans des regroupements de jeunes. Et celles et ceux qui s'engagent en politique, bien avant leur 21 ans, âge où ils pourront enfin voter. Quant à l'émission de dimanche, elle s'intéressera d'une part à d'autres sortes de jeunes gens, à travers l'étude de la délinquance juvénile, mais aussi au roman de Walter Levineau, L'éclat et la blancheur, puis à l'essai de Jean Pluimène et Raymond Lassiera, Le complexe de gauche, et enfin, au vote d'une loi très attendue, et qui ne sera pas appliquée immédiatement, loin s'en faut, la loi Neuwirth sur la contraception. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, prise de son Valérie Lavalard, document INA Aude Vassan, réalisation Clotilde Pivin. Vous pouvez réécouter en ligne ou télécharger cette série sur le site franceculture.fr à la page de l'émission.